soir d'hiver, gelé et sec, feu follet tombe, la clope au bec, il brûle rouge depuis l'été, il cherche une sieste bien méritée. Danser, boire sans rien manger, c'est plus de son âge, il doit siester, fermer ses flammes, laisser Morphée lui susurrer des songes d'été. Pour commencer en entrée, Morphée le balade sur une grève, le temps est en plein rêve, un grain de beauté sur le fessier, folle et sa folle, il a la fête. De jolies pop sont un peu naïfs, de jolies pop sont pas trop sucrées. Jolly pop song, un peu naïf. La jolly pop song. Suite Morphée anime la flamme, violette qui nue va se baigner. Elle n'ose rien, mais en son âme voudrait brûler sous ses baisers. Violette s'enfonce, prise par une lame. Au fond, elle ne sait pas nager. Elle va s'éteindre pour pas une rame. Quel songe pourri, se dit follet.